The Rock Show. Chosy et Villard, Rouge est ma couleur, qui vient de paraître chez Casterman. Jean-Christophe Chosy, en chair et en os, salut. Bonsoir. Qui était déjà venu dans le temps en Belgique, notamment pour parler de Parano, de Face A, Face B, sur scénario de Thierry Jonquet. Et puis, au téléphone depuis Paris, Marc Villard, bonsoir, Itou. Marc? Oui, bonsoir. Oui, vous nous entendez? Oui, ça va. Okay. Alors, mais personnellement, et je l'ai toujours dit, en tant que novelliste, je trouve que Marc Villard est vraiment un des grands du récit noir. En ce qui concerne tout, la façon d'appréhender ce qu'on appelait les classes dangereuses ou les Apaches au 19e siècle. Voilà, donc les banlieues ou les vieux centres type Barbès, avec chaque fois des personnages qui n'ont plus rien à perdre. Ici, on a un père qui est une sorte de super flic sur le retour et qui a une fille musicienne complètement toxico. C'est un peu l'histoire de leur relation qui va se dérouler à travers une intrigue un peu complexe sur fond de corruption policière et de Kem. Ce sont toujours des personnages qui ont la poisse et on dirait que leur destin est forcément tragique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai plutôt une vision pessimiste de la société et je pense que tant qu'à écrire, autant écrire pour dire le mal plutôt que pour dire que tout va bien. Donc je prends en charge comme ça des destins de personnages au bout du rouleau ou mal partis. Et bon, c'est une des constantes du roman noir, faut bien le dire. Hein. Donc je m'inscris complètement dans cette perspective-là. Donc quand on dit le mal, ce ne sont pas nécessairement des salauds. Ce qui ne va pas dans la société, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça. Mmh. Non, bien sûr. Bien sûr, ma sympathie là va complètement à cette jeune fille, donc, et dans sa tentative de rédemption, de retour au père en quelque sorte, encouragée par le père lui-même, et finalement elle se perdra dans sa propre histoire parce que bon, dans cette aventure là, elle essaie de lâcher la cam et la cam la reprend. Mmh. Et avec un final, elle décide d'en finir et elle va en finir d'une façon très très très très particulière. Bon, on n'ose évidemment pas trop dévoiler la fin, oui. Quoique les fans de Polar qui ont déjà lu la nouvelle qui est la base de cette bande dessinée la connaissent. Oui. La fin, ça a quelque chose de dramatique quand même. Oui, c'est quelque ça, part. Oui, tout à fait. Oui, ça fait référence à... Est-ce qu'on peut se faire tuer volontairement par la personne qu'on aime le plus au monde, par exemple? J'en dis déjà un peu trop, mais j'en dirai pas plus. Est-ce que c'est... J'ai pas entendu la question, excusez-moi. Oui, ça. Donc, est-ce qu'on peut effectivement se faire tuer par la personne qu'on aime le plus au monde? Oui, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'il vaut mieux être tué par justement un membre de la famille. En tout cas, là, cette jeune fille, elle adhère à ce principe-là qui est inculqué donc par une tribu indienne. Mais disons que ça m'arrange aussi au plan de l'histoire de terminer cela comme ça. Mais en fait, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, le mal de la société, c'est plutôt c'est ce qui ne fonctionne pas, on dira. Mmh. Hein, c'est ce qui n'est pas dans le beau, dans la joie, dans la réussite. Et dans le positif, mais évidemment que les gens qui sont pris dans ce mouvement sont des victimes. L'inspiration vient plutôt, en ce qui vous concerne, d'en bas, plutôt que des classes moyennes sans histoire, oui. Sans histoire apparente. Je pense que c'est pareil, si vous voulez, la plupart de mes textes sont situés dans des quartiers de douleur, comme on dit, avec une population immigrée forte. Et je pense que c'est là que c'est de ça dont il faut parler plutôt que des avenues rectilignes et haussmanniennes telles l'avenue Bosquet ou d'autres. J'ai pas grand chose à raconter sur ce qui se passe dans ces avenues-là, mais je pense que d'autres pourraient le faire d'ailleurs parce que le danger en col blanc, comme on dit, il y a un autre mot que le danger, comme on dit. les canailles en col blanc. Les criminels en col blanc. Ouais. Voilà, c'est certainement dans des avenues comme celle-ci qu'ils habitent, mais ce type de délinquance et de rapport à l'existence ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas mon travail à moi. Est-ce que ça implique une imagination riche ou bien est-ce qu'il y a une part énorme d'observation sur le terrain? Écoutez, on a parfois l'impression que Marc Vierre est un journaliste aussi. Non, en fait, c'est-à-dire que j'ai habité effectivement dans le 18e plusieurs fois. J'ai eu à connaître des lieux et des personnages qui sont décrits donc dans cette bande dessinée ou dans des textes sous une forme littéraire. Et je broie tout ça, je repasse tout ça dans la moulinette de la fiction. Donc en fait, il en reste malgré tout quelque chose de vrai. Mais je ne cherche pas à produire un travail d'entomologiste ou de journaliste extrêmement précis. Je pense que le principe de la fiction, c'est aussi de recréer le réel. C'est un peu la destinée du roman noir. Est-ce qu'on peut dire que le roman noir, c'est le véritable roman réaliste d'aujourd'hui, depuis quand même 60-70 ans maintenant? Oui, dans ce pays, c'est sûr que dans les pays francophones et en France particulièrement, c'est le roman noir qui justement est le seul qui prend à bras le corps tous les problèmes de société pour les passer au travers de la fiction, ce que ne fait pas effectivement le roman de littérature générale qui français, qui est donc un roman très intimiste, nombriliste et qui travaille beaucoup sur l'autofiction. Contrairement au roman américain de littérature générale qui, lui, est beaucoup plus ouvert sur le monde. Alors bon, je pousserai pas plus loin l'analyse. Il y a des gens qui feront ça mieux que ça. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est peut-être dû au nouveau roman qui, à un moment donné, a amené une fraction dans la narration française, dans la narration romanesque, et que les gens ont maintenant du mal à reprendre... Le faste de l'épopée, quoi, comme on a pu le faire à une époque. Il y a la honte d'être à la fois écrivain et raconteur d'histoire. Oui, c'est un peu ça. Je pense qu'on a du mal en France, dans le cadre de la littérature générale, à entreprendre sur ces deux lignes de fuite. Et effectivement, bon, le polar qui ne s'embarrasse pas trop d'historique, de ce qui s'est passé avant. Pioche sans vergogne dans le quotidien, dans les brèves de journaux et se collette donc avec le quotidien et avec la société elle-même. On a envie de dire les faits divers, on aurait plutôt envie de dire les méfaits divers en fait. Oui, ce sont surtout des méfaits divers, surtout quand on voit ce qui s'est passé en France récemment et la façon dont on a traité les sans-papiers ou les squatteurs en prenant bien soin de les foutre dehors à coups de pied dans les fesses avant de leur trouver un logement pour qu'ils puissent s'installer. En termes de méfaits, on est servi. Alors, Marc Vierre, Jean-Christophe Chosy, là je m'adresse à tous les deux, vous avez le droit de vous interrompre. Comment est-ce que vous avez été amenés à bosser ensemble et est-ce que c'était facile, pas facile, aisé, douloureux? Je vais juste dire deux mots parce qu'après Jean-Christophe pourra prendre la suite. C'est moi en fait qui était un petit peu, qui a été contacté le premier. Bon, c'est tout simple, nous avons chez Casterman une éditrice, Nadia Gibert, qui est l'éditrice habituelle d'ailleurs de Jean-Christophe Chosy, qui avait lu justement ce texte-là, Rouge est ma couleur, ça lui avait plu, et c'est elle qui m'a contacté. À l'époque, Jean-Christophe n'était pas dans l'histoire. Elle m'a contacté en me disant qu'elle aimerait bien qu'on fasse quelque chose ensemble, et donc que je fasse une adaptation d'un de mes livres, mais pas forcément Rouge est ma couleur. Et puis on s'est vu, on en a parlé, on s'est mis d'accord pour en discuter avec Jean-Christophe Chosy, qui nous plaisait bien en tant que dessinateur, et aussi dans sa personnalité. Et donc Jean-Christophe a lu mes textes, il en a lu plusieurs, et finalement c'est ce texte-ci qui était celui que préférait également Nadia Gibert, qu'il a décidé d'adapter. Voilà, c'était le début de l'histoire. Maintenant, Jean-Christophe Chosy a déjà adapté du polar, face A, face B de Thierry Jonquet, donc il y a un goût, Chosy, il y a un goût, clairement, en tant que dessinateur, pour animer ce type de récit. Bah, tout à fait, oui. C'est-à-dire que comment dire, d'abord je partage la vision de la société que Marc a évoquée tout à l'heure, qui est aussi partagée par Thierry Jonquet. Donc il y a une espèce comme ça de communauté d'esprit et puis de vision du monde qui nous entoure, et qui est quand même bien pratique, et qui pour un dessinateur est de toute manière très, j'allais dire photogénique. Et le malheur dont parlait tout à l'heure Marc est évidemment une sorte, le mot est pas idéal, mais est une sorte d'aubaine pour un graphiste, parce que il permet des effets beaucoup plus dynamiques. Graphiquement beaucoup plus palpitant, quoi. Je partais moi d'un travail d'adaptation avec le boulot de Thierry Jonquet. Ça s'est pas passé de manière radicalement différente avec Marc, si ce n'est que l'ambiance des récits n'était pas tout à fait la même. Et donc ce qui est intéressant pour moi, c'était d'en arriver à questionner mon dessin, qui pouvait pas réagir de la même manière à La vie de ma mère de Thierry Jonquet et À rouge et ma couleur de Marc Villard. Donc ça m'a permis une remise en question, tout en restant dans un univers de noirceur que moi je côtoie tous les jours, puisque Barbès, ce quartier du 18e dont on parle et qu'on essaie de dépeindre, moi j'y vis, j'y habite. C'était donc un double pari, quoi. Se saisir de l'univers d'un auteur dont j'admire absolument le style, et simultanément pouvoir produire une espèce d'écho de l'univers que je fréquente à longueur de journée. Marc Villard, est-ce qu'il y avait un droit de regard sur l'adaptation dessinée de Chosy? Oui, un droit de regard. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où nous partageons la fiche, si on peut dire, on a décidé ensemble du casting, par exemple, ce qui n'est pas une chose évidente, parce que quand on écrit un livre, on a une idée vague, mais pas vraiment, qui ne prend pas la précision des traits réels des personnages. Et bon, par exemple, Jean-Christophe m'a proposé un jour des croquis qui représentaient Zoé, la jeune fille, son père, Babar, qui est un copain de son père, etc. Enfin, les personnages principaux. Et donc, dès le départ, j'ai été intégré effectivement déjà au personnage, à l'attitude. On a changé des choses, d'ailleurs, sur des personnages secondaires. Il y en a certains qui ne correspondaient pas vraiment à l'idée que j'avais en tête ou qui ne nous convenaient pas. Donc j'ai été, oui, j'appellerais pas ça un droit de regard. Je dirais que c'est une sorte d'avancée commune dans le travail, quoi. Mmh. Marc Villard, en tout cas, merci d'avoir accepté d'être au bout du téléphone pendant quelques minutes. Ça me fait plaisir. Bonne soirée, et puis Jean-Christophe Chosy, nous on se retrouve dans quelques minutes pour reparler de ce Rouge et ma couleur et de la BD polaire en général. Marc Villard, bonsoir, merci beaucoup. Au revoir.